إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد لمن مسلم رحمه الله تعالى a rapporté dans son recueil de hadith authentique d'après Suhayb رضي الله تعالى عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lorsque les gens du paradis entreront au paradis Allah subhanahu wa ta'ala leur dira « Voulez-vous que je vous rajoute quelque chose ?» Les gens du paradis répondront alors « N'as-tu pas blanchi nos visages ? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis ? Et ne nous as-tu pas sauvés du feu ?» Allah subhanahu wa ta'ala va alors lever le voile et il ne leur a rien été donné de plus aimé que de regarder leur Seigneur. Donc, le plus grand des bienfaits et le plus grand des délices dont vous jouir les gens du paradis, c'est la vision du visage de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Comme cela est confirmé dans les textes du Coran et de la Sunna, ainsi que de l'unanimité des gens de la Sunna. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 26 de Surat Yunus, « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ » Pour ceux qui ont été bienfaisants, il y aura la meilleure récompense et même davantage. Les savants du tafsir ont dit que Al-Husna, la meilleure récompense, c'est le paradis. Et lorsqu'il dit Waziyada, et même davantage, alors ceci est la vision du visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi que dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Qaf, Lahum ma yasha'una fiha, il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. C'est-à-dire au paradis, les gens du paradis auront tout ce qu'ils voudront. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ » Et auprès de nous, il y a davantage encore. C'est-à-dire, il y a la vision du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surat Al-Qiyamah « وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ » Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. C'est-à-dire de beaux visages, des visages brillants, des visages radieux. Et ces visages, ce sont les visages des gens du paradis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala décrit encore ces visages et il dit « Ila rabbiha nadhira » Et ils regarderont leur Seigneur. Ils regarderont Allah subhanahu wa ta'ala de leurs yeux. Et ceci est un honneur et une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera aux gens du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des mécréants « Kalla » إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ Qu'ils prennent garde, en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. C'est-à-dire que les mécréants ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Un voile les empêchera de voir leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est-à-dire que les croyants pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala. La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens du paradis est donc confirmée. Et c'est une chose sur laquelle il n'y a aucun doute. Et c'est le meilleur des délices et la meilleure des jouissances des gens du paradis. Et ceci est leur rétribution et leur récompense. Car ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde alors qu'ils ne le voient pas. Ils ne voient pas Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, mais ils ont quand même cru en lui subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les honorera alors en se manifestant à eux dans l'au-delà, afin qu'ils le voient de leurs yeux. Ceci est donc pour ceux qui ont cru dans ce bas monde, ceux qui ont eu la foi, une foi authentique, une foi correcte, ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, alors qu'ils ne le voient pas, la plus grande de leurs récompenses dans l'au-delà sera donc qu'ils verront Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et ils jouiront de ce bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la vision de son noble visage. Dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Vous verrez certes votre Seigneur au jour de la résurrection, de la même manière que vous voyez la lune la nuit lorsqu'elle est pleine, et de la même manière que vous voyez le soleil le jour lorsqu'il n'y a pas de nuages. Et ce parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'au-delà, il donnera aux gens du paradis une force et des capacités qui leur permettront de voir leur Seigneur. Alors que dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas vu, car les gens n'ont pas les capacités de le voir. En effet, l'être humain, dans ce bas monde, il a été créé faible. Son corps est faible et ses sens sont faibles. Ils ne peuvent donc pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, car ils n'en ont pas les capacités. Également, parmi les sagesses que les gens de science ont mentionnées, du fait que l'on ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, il y a le fait que les croyants concrétisent la foi en l'invisible, afin qu'ils aient foi en Allah subhanahu wa ta'ala sans le voir, et ceci montre la véracité de leur foi. Car ceci est le plus haut degré de la foi, le fait d'avoir foi en l'invisible. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses serviteurs croyants en disant qu'ils croient en l'invisible. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils ne le voient pas. Donc, ceci leur a permis de concrétiser cette foi et de parfaire leur foi. Et également donc, ils ne voient pas Allah subhanahu wa ta'ala car ils n'en ont pas les capacités. C'est pour cela que lorsque Moussa alayhi salam, qui est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a particularisé par cela, du fait qu'il lui a parlé de vive voix. Il lui a fait écouter sa parole sans aucun intermédiaire. Il lui a donc parlé directement et Moussa alayhi salam, il a écouté la parole de son Seigneur. Et ceci est un degré qu'a atteint Moussa alayhi salam. Après cela, il a donc demandé à Allah subhanahu wa ta'ala et lui a dit « قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ » Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Après avoir écouté la parole de son Seigneur, il a désiré le voir. Il lui a dit « Montre-toi à moi afin que je te voie. » Allah subhanahu wa ta'ala lui a alors dit « لَنْ تَرَانِي » Tu ne me verras pas. C'est-à-dire, tu ne me verras pas dans ce bas monde, car tu n'as pas les capacités de me voir. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui démontrer son incapacité à voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Alors il lui a dit « Walakin, انظر إلى الجبل » Mais regarde la montagne. Si elle tient en sa place, alors tu me verras. Et il n'y a pas de doute que la montagne, elle est plus dure et plus forte que l'homme. Malgré cela, la montagne n'a pas pu rester en place lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à elle. فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا Mais lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il la pulvérisa. Il la réduit en poussière. La montagne, immense, a été réduite en poussière, et ce de par l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا Et Moussa s'effondra alors foudroyé. Il s'est évanoui, alayhi salam. Il s'est évanoui face à cela. Il est donc tombé par terre, puis lorsqu'il retrouva connaissance, et qu'il se releva, et qu'il se reprit, il dit alors, Subhanak, tubtu ilayk, wa ana awwalul mu'minin. Gloire à toi, je me repens à toi, et je suis le premier des croyants. Et ceci est le verset 143 de la sourate Al-A'raf. Ce verset nous montre donc que personne ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, quel que soit son rang et quel que soit son degré et quels que soient les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a gratifié. Même Moussa alayhi salatu wa salam, il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Et même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la nuit de l'ascension, lorsqu'il a été élevé au ciel, il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala de ses yeux, mais il ne l'a vu que par son cœur. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être vu par personne dans ce bas monde. Mais il a réservé ce bienfait à ses alliés lorsqu'il les fera entrer au paradis le jour de la résurrection. Ce sont donc eux qui pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux qui se réjouiront de la vision de leur Seigneur. Ce sont eux qui jouiront de ce bienfait et auront ce plaisir de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est ce qui est confirmé par les preuves du Coran ainsi que de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce sur quoi sont unanimes les savants des musulmans parmi les pieux prédécesseurs et leurs suiveurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà par ses serviteurs croyants. Il est donc indispensable que tu aies la foi en cela, que tu aies la ferme conviction que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. C'est pour cela que les savants, ils mentionnent la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis parmi les questions liées à la croyance. Ils le mentionnent dans les ouvrages liés à la croyance authentique. Il est donc indispensable que le musulman ait foi en cela, qu'il croit que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Et nul ne mécroit en cela. Et nul ne renie le fait que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection, si ce n'est un mécréant. En effet, celui qui renie cela, après avoir eu connaissance des preuves confirmées à ce sujet, alors il est mécréant. Car en reniant cela, c'est comme s'il traitait Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de menteur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc, celui qui renie la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis par ses serviteurs croyants, alors c'est bien lui qui sera privé de cette vision. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Qu'ils prennent garde, en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me compter ainsi que vous, parmi ses serviteurs croyants, qu'il fera entrer au paradis et dont il fera jouir de sa vision dans l'au-delà. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا